إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ليلتنا هذه وفي مجلسنا هذا، وأن يغنمنا خيرها وبركتها، وأن يمدنا أجمعين بالعلم النافع والتوفيق للعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Mes chers frères, notre sujet de ce soir, بإذن الله تعالى, concerne un sujet qui est très important. Un sujet très important qu'il convient de ne pas négliger. Pourquoi ? Parce que de ce sujet découle une rétribution énorme et une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala importante. فجاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Donc ce hadith ou ce sujet, il concerne le fait d'orienter vers un bien. Et il est rapporté d'après Abu Mas'ud al-Ansari, radiyallahu anhu wa ardah, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « J'ai un problème de monture, accorde-moi donc une monture. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Je n'en ai pas, mais va voir un tel, il se peut qu'il t'en fournisse une, c'est-à-dire une monture qui pourra te porter. » Donc l'homme s'y rendit et la personne lui en accorda une. Il revint informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce dernier, yani al-Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Quiconque oriente vers un bien, a la même récompense que celui qui l'accomplit. » Et il faut savoir, mes chers frères et mes sœurs, que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, l'émir des croyants dans le hadith, dans son livre l'Adab al-Mufrad, dans la véritable éducation, qui est un recueil de hadith concernant le comportement, et c'est un recueil que je conseille à chacun d'étudier ou de lire, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, a contracté un chapitre. Il a dit dans l'Adab al-Mufrad, Babun ad-dallu ala al-khayr. Un chapitre, celui qui oriente vers un bien. Celui qui oriente vers un bien. Cela montre le bienfait de celui qui oriente vers un bien. Et ça montre également que celui qui oriente vers un bien aura une récompense équivalente à celui qui accomplit ce bien. Et ça, ça fait partie du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Pour une action, Allah tabaraka wa ta'ala rétribue plus d'une personne. Pour une seule action, Allah subhanahu wa ta'ala rétribue plus d'une personne. Il récompense celui qui entreprend cette action, en premier lieu. Et également, il rétribue ou il peut rétribuer celui qui oriente vers cette action. Et également, il rétribue celui qui aide à cette action. Wa fadlullahi wasi'. Et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste. Il l'octroie à qui il veut. Wallahu dhu fadlin azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le détenteur de l'énorme grâce. Ainsi, eh bien, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous gratifier tous dans notre ensemble eh bien, de son bienfait. Azza wa jal. Et remarquez, ici, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que celui qui oriente vers un bien soit la cause de l'aboutissement de ce bien. Il se peut que vienne à toi, par exemple, une personne qui te demande de l'argent. Mais toi, eh bien, tu ne trouves pas de quoi lui donner. Tu n'as pas cet argent à lui donner. Puis ensuite, eh bien, tu le diriges vers une personne qui lui donnera cet argent. Eh bien, dans cette situation, Allah Azza wa Jal a fait de toi une cause d'arrivée de cet argent vers cette personne. Car c'est toi qui l'as orienté eh bien, vers cet argent. Et celui qui a donné l'argent est rétribué, mais toi aussi tu seras rétribué bi-idhnillahi ta'ala de manière équivalente à celui qui a donné cet argent. Il en va de même, mes frères, mes sœurs, pour les jeunes parmi les étudiants ou les moins jeunes, même parmi les étudiants en sciences ou autres, qui prennent l'initiative, par exemple, eh bien, d'arranger entre, avec les savants eh bien, des assises de sciences ou avec les prédicateurs des assises de sciences. Ils les contactent par téléphone et ils leur disent que leur village, que leur contrée, que leur ville, que leur mosquée eh bien, a besoin d'une assise ou d'une assemblée de sciences ou a besoin d'un cours ou a besoin d'une allocation, ne serait-ce que téléphonique. Ils insistent un peu, puis eh bien, le cheikh répond favorablement. Donc il prépare alors cette assise, puis le cheikh voyage vers cette mosquée ou vers cette contrée et il y donne la conférence où eh bien, les personnes appellent ce prédicateur ou ce shir et il donne sa conférence. Eh bien le shir sera, bi'idhnillahi ta'ala, rétribué pour cela, de par l'effort qu'il aura fourni pour faire le cours ou pour faire l'allocution. Mais également, eh bien, celui qui aura arrangé cette assise et qui aura contacté eh bien, le shir, le savant ou le prédicateur, il sera également rétribué. Ici, remarquez que ce contact qui ne prend que quelques minutes lui a fait acquérir une rétribution. Et cela, eh bien, malgré le fait qu'il n'a donné aucune conférence et aucun cours. Mais malgré ça, eh bien, il aura la même rétribution que la personne qui aura donné le cours. Il se peut même que cette personne eh bien, n'ait aucune compétence à donner des cours. Il n'a fait aucun voyage. Il ne s'est pas fatigué. Mais malgré cela, il aura la même récompense que le shir, le savant ou le prédicateur. Et ça, ça fait partie, mes frères et mes sœurs, de la grâce et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette communauté. Et ce chapitre eh bien, fait partie des chapitres importants qu'il convient aux musulmans d'appliquer dans sa vie. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'occasion de transmettre de nombreux savoirs sans que tu ne sois parmi les gens de science. Allah Azza wa Jal, il se peut eh bien, qu'il te donne l'occasion de transmettre de la science sans que tu fasses partie des gens de science. Et cela comment ? Eh bien en propageant les audios et en propageant les livres des gens de science ou en orientant les gens vers les assises des savants et en les exhortant à y assister. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith de Abu Mas'ud al-Ansari, il dit quiconque oriente vers un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Ce grand bienfait d'Allah, ce grand bienfait dont Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié celui qui montre un bien, eh bien elle pousse la personne à être motivée encore plus concernant ce chapitre et ce sujet, qui est d'orienter eh bien, vers le bien. Et ce chapitre, ce sujet, celui qui oriente vers un bien, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, quiconque oriente vers un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit, nous montre également eh bien, la récompense énorme qu'Allah azza wa jal a octroyé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que le bien qui est dans cette communauté, le bien que nous possédons dans notre communauté, eh bien ne nous est arrivé que par l'intermédiaire de notre prophète Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi. C'est lui qui a orienté sa communauté vers ce bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura la récompense de chaque œuvre pieuse accomplie par chaque musulman, que ce soit à son époque ou à l'époque des successeurs ou à l'époque des successeurs de ses successeurs, et cela tant qu'Allah azza wa jal fait hériter la terre et ceux qui s'y trouvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura la récompense pour chaque musulman qui accomplit un bien. De même, eh bien, les nobles compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, lorsque nous lisons par exemple un hadith d'après Abu Mas'ud al-Ansari, d'après Abu Hurayra, d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan, d'après Abu Bakr, d'après la mère des croyants, Aisha, radiyallahu anhum ajma'in, lorsque nous lisons les hadiths et que nous apprenons la science, eh bien ces gens-là seront rétribués. Il en va de même pour nos savants, parmi eux les quatre savants des écoles, l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa et d'autres contemporains ou anciens, et leurs ouvrages et les ouvrages qu'ils ont laissés et les orientations qu'ils ont laissées, eh bien ils seront rétribués pour cela. Ils seront rétribués pour cela. Ces gens-là sont dans leur tombe et ils ne cessent chaque jour, plus encore, chaque heure, chaque instant, eh bien, d'être récompensés. Et leur récompense, eh bien, elle leur parvient alors qu'ils sont, eh bien, dans leur tombe. La récompense, elle leur parvient alors qu'ils sont, eh bien, dans leur tombe. Alors que certaines personnes sont sur terre, elles sont bien vivantes et elles ne sont pas rétribuées. Elles sont vivantes et elles ne sont pas rétribuées. En réalité, eh bien, ce sont eux qui sont morts et qui sont décédés. Plus encore, certains marchent sur cette terre et en plus, eh bien, de ne pas se restreindre, à ne pas prendre de récompense, eh bien, ils ne cessent de prendre des péchés. Et ils ne cessent de se charger de fardeaux et de mauvaises actions et de péchés. Alors que certains, eh bien, sont dans leur tombe et ils ne cessent jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et jusqu'à, eh bien, la fin des temps, de récolter des bonnes actions. Cela, eh bien, doit pousser la personne raisonnable et conseilleuse envers elle-même à être motivée à accomplir le bien et à être assidue et à orienter vers le bien bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ce comportement, mes frères, mes sœurs, qui est d'orienter vers le bien, eh bien, on doit l'appliquer. Car si on l'applique, eh bien, on aura la même récompense que celui qui aura accompli ce bien. Et dans ce hadith d'Abu Mas'ud al-Ansari, radiyallahu anhu wa ardah, donc un homme est venu auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: j'ai un problème de monture, accorde-moi une monture. Donc il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui accorder une monture, car eh bien il a un problème, c'est-à-dire que sa monture est devenue faible. Il s'est produit quelque chose avec sa monture qui n'a pas coutume de se produire, car en temps normal, eh bien sa monture est puissante et n'a aucun mal à le supporter. Et il se déplace avec sans souci. Mais, eh bien, il s'est passé quelque chose qui fait que, eh bien, sa monture ne peut plus le porter. Donc il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: accorde-moi une monture. Une monture sur laquelle, eh bien, je pourrais me déplacer. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: je n'en ai pas. C'est-à-dire que je n'ai pas de monture à te donner qui pourrait te porter, sur laquelle, eh bien, tu pourrais te déplacer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il ne s'est pas restreint à cette réponse. Il lui a dit: je n'en ai pas, mais va voir un tel. Il se peut qu'il t'en fournisse une. C'est-à-dire une monture qui pourra te porter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, eh bien, l'a orienté vers une personne qu'il pense qu'elle pourra lui fournir une monture. C'est pour cela qu'il a dit, eh bien, il se peut. Hein? Et de cette parole, hein, peut-être, ou il se peut, eh bien, on peut tirer un profit. Quel est ce profit? C'est que lorsque tu orientes une personne vers une autre, eh bien, ne le fais pas avec certitude que cette dernière va faire aboutir son besoin. Mais dis plutôt: va voir un tel. J'espère que tu trouveras auprès de lui ce dont tu as besoin. Ou peut-être va-t-il te fournir ce dont tu as besoin. Ou comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'il t'en fournisse une. Parce que si tu l'orientes, eh bien, avec certitude, et que l'affaire n'aboutit pas, il se pourrait que la personne, eh bien, ressente une douleur et un chagrin dans son fort intérieur. Mais il convient dans cette situation d'utiliser des expressions d'espérance telles que peut-être, telles que j'espère, telles que il se peut. Car c'est ces expressions-là, eh bien, qui conviennent dans ce genre de situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va voir un tel, il se peut qu'il t'en fournisse une, c'est-à-dire une monture sur laquelle, eh bien, tu pourras monter. Donc l'homme, est parti voir la personne et la personne lui a fourni cette monture. Donc l'homme est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de son affaire, pour l'informer que son affaire avait abouti. Et également, eh bien, ce qui est approprié dans cette situation, eh bien, c'est de réjouir celui qui oriente vers un bien, en le tenant informé du résultat, eh bien, de son orientation. Et il y a dans cela de nombreux bénéfices. Parmi ces bénéfices, du fait de tenir informé du résultat de l'orientation d'une personne, eh bien, ça le réjouit. Ça réjouit celui qui oriente vers ce bien, en lui disant, eh bien, que cette orientation a donné un résultat et qu'il sera rétribué en ayant orienté son frère vers l'aboutissement, eh bien, de ce bien. Et également, parmi les résultats ou des bénéfices de tenir informé du résultat de l'orientation d'une personne, eh bien, ça va le motiver encore plus à œuvrer, bi'idhnillahi ta'ala, dans le bien, ou à orienter, eh bien, encore plus vers le bien. Car rien que le fait de conseiller et aider ses frères est récompensé, même si cela, eh bien, n'aboutit pas. Et il faut savoir, mes chers frères et mes chères sœurs, que le fil et le contexte du hadith, eh bien, il implique la généralité. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque oriente vers un bien. Ici, le bien n'est pas défini, il est indéfini. C'est-à-dire celui qui oriente vers n'importe quel bien. Peu importe, eh bien, ce bien-là. Il n'a pas restreint à un bien bien particulier. Mais peu importe le bien. Et peu importe l'utilité, hein, pour autrui. Que ce soit une utilité dans sa religion, ou un bien dans sa religion, ou même un bien dans sa vie mondaine, ou dans sa nourriture, ou dans sa boisson, ou dans sa tenue vestimentaire. Peu importe, eh bien, le sujet ou le bien, à condition que ce vers quoi tu orientes soit un bien. Eh bien, à ce moment-là, tu auras la même récompense que celui qui l'aura accompli. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a orienté cet homme vers le bien, puis qu'ensuite cet homme est revenu pour l'informer de l'aboutissement de ce bien, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quiconque oriente vers un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit, c'est-à-dire la même récompense que celui qui a fait ce bien. Donc il convient, mes chers frères, mes chères sœurs, eh bien de ne pas négliger ce sujet et de faire en sorte de ne rien laisser passer du bien. Car nos actes, sachez que nos actes, eh bien, seront pesés au jour de la résurrection, dans une balance véritable, comme ceci est prouvé par les textes, hein, qui possèdent deux plateaux. Et nos œuvres, eh bien, elles seront pesées, les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Et donc, il convient à ne rien négliger parmi le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لا تحقرن من المعروف شيئا, et ne néglige rien du bien. Ne serait-ce que de rencontrer, eh bien, ton frère avec un visage réjoui. Et même ne serait-ce qu'orienter, hein, tu n'accomplis pas l'œuvre, mais tu seras récompensé, eh bien, de manière équivalente à celui qui a accompli cette œuvre. Donc bienheureux sont ceux dont la balance est lourde, ou sera lourde ce jour-là, et que sera grande la perte, ou l'iyadu billah, de celui dont la balance sera légère de bien et lourde de péché et de mauvaises actions. فنسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرفع عنا وعن المسلمين أينما كانوا كل ضر وبلاء وأن يكشف عنا الجهد والشد واللأوى وأن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لاغتنام الخيرات وحفظ الأوقات وإصلاح الأعمال. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله, اللهم اغفر لنا ذنبنا كله, دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين